pour vos démons intérieurs. Mon chant est une berceuse. C'est nos vies. Écoute le bruit, c'est celui d'une perceuse. Vas-y, crie. Je veux que tu sors tout ce que t'as dans le coffre, comme ces concerts dans ces grottes où je rappe avec une torche. Maintenant, la vraie jungle a son livre. Dis maman, malgré le sang, qu'elle aussi devait survivre. Le bitume était là, j'ai eu qu'à le vivre. Mais bouillaka, le caca, c'est bouillant comme ceux qui restent à le suivre. Le soir, yeah, tard, yeah, je pars, yeah. Dans une rue où m'amènera l'essence, un beat où m'amènera les gens. Avec moi, on s'en sépare les gens. Êtes-vous conscient que je fais du mal ou sinon parlez-en? Expliquez-moi ce qui vous picote. Pourquoi tout s'il gigote? Pourquoi je casse tant de chicots quand je chicote? C'est nos vies. Comment PC a pu laisser passer chat? Jacques écrit, mais t'entends pas ou quoi? Courez ou mourez. Tous avec moi, Touré, Ben ou Moré. Tous avec nous, Glander, Chaffeur ou Gangman. C'est nos vies. Pas tout Renoir, Bico, même Black Blamber. Tous avec nous, homme, femme, monsieur ou dame, nouveau, ancien, découvreur ou fan. Tous avec nous, Glander, Chaffeur ou Gangman. C'est nos vies. Pas tout Renoir, Bico, même Black Blamber. Tous avec nous, homme, femme, monsieur ou dame, nouveau, ancien, découvreur ou fan. Salut mon vieux, tu me reconnais? Gangsta, comme si j'avais mis des bigoudines, casquette Raiders et les putains de lunettes de Eazy-E. Robizé en after show, ça va baiser. Le tourneur va cracher mes thunes, donc ce soir ça va peser. Notre son tourne, c'est de la chenouf, la tienne est pas bonne. C'est toujours les mêmes notes, un peu comme notre compte Lil John. John Dedo, c'est 13 et 16, Mali Sénégal. Crache les dos, si ça sent le profit, on va se mégal. De gauche à droite, devant, derrière et au milieu. Ça sent la rue à 100 milieux, les Yvelines sont dans les lieux. Si ça chauffe, et ben moi chauffe dans le tas. Y'a des meufs trop maquillées comme des voitures pétas. Des gros bonhommes qui approuvent, ouais. Leur tête le prouve. Comment tu trouves? Dans notre son y'a trop de groove. Lève ta main jusqu'à la crampe, on est sous le feu de la rampe. Trop de groupement, nerveux-moi, short comme je rampe. Tous avec nous, Glander, Chaffeur ou Gangman. Tous avec nous, Partout, Renoir, Bico, même Black Blamber. Tous avec nous, homme, femme, monsieur ou dame, nouveau, ancien, découvreur ou fan. Tous avec nous, Glander, Chaffeur ou Gangman. Tous avec nous, Partout, Renoir, Bico, même Black Blamber. Tous avec nous, homme, femme, monsieur ou dame, nouveau, ancien, découvreur ou fan. Alors chiche dans nos actes. Pas conscient qu'on s'affiche, on vend l'archiche dans nos actes. Retourne à l'école de la rue, un gros pied de biche dans nos sacs. Des odeurs et du brief, là un gros boom dans leur jack. L'escadrille dans leur bac, des MC flottent dans leur lac. J'ai mon 10 dans leur fac, et mon doigt dans leur. Mon micro dans leur. Ma tête dans leur. Yeah! Ok. Tout le monde sait bien que t'as pas le niveau. Compte 1, 2, 3 et v'là les super négros. 4, 5, 6, on fait bouger ta mise. On fait tourner les backstage pour allonger la liste. 7, 8, 9, putain v'là les keufs. 10, 11, 12, planquez vos drop boost. 13, 14, 15, on fait un show de dingue. Arrête de faire ta baltringue dans son son du flingue. Tous avec nous, Glander, Chaffeur ou Gangman. Partout Renoir, Bico, même Black Blamber. Tous avec nous, homme, femme, monsieur ou dame, nouveau, ancien, découvreur ou fan. Tous avec nous, Glander, Chaffeur ou Gangman. Partout Renoir, Bico, même Black Blamber. Tous avec nous, homme, femme, monsieur ou dame, nouveau, ancien, découvreur ou fan.